De la neige en été, les hirondelles font la fête. Couvertes de papier, on dirait qu'elles me guettent. J'ai jamais crevé l'écran, mais j'ai toujours trouvé du temps. Même si j'ai pas l'air d'avoir les pieds sur terre, mais c'est dur d'avoir de la place au fond de ton cœur, au fond de la nuit. Au fond, on oublie comme c'est dur d'avoir de la place au fond de ton cœur, au fond de la nuit. Au fond, on oublie. J'ai bien cru perdre une fois de plus ton sourire si prenant, celui qui masque mes peines que j'ai en dedans. Là c'est quand je suis seul et que je me vois vieillir. Alors là je me cache et je cherche à m'enfuir. Mais c'est dur d'avoir de la place au fond de ton cœur, au fond de la nuit. Au fond on oublie comme c'est dur d'avoir de la place au fond de ton cœur, au fond de la nuit. Au fond on oublie. J'ai rien eu ce gars, il était pas beau celui-là. Il avait un air pourri, un air de voleur gentil. Tu lui as tendu la main, tu lui as dit à demain. Et ne t'es jamais revu, de toute façon j'en peux plus. Mais c'est dur d'avoir de la place au fond de ton cœur, au fond de la nuit. Au fond on oublie comme c'est dur d'avoir de la place au fond de ton cœur, au fond de la nuit. Au fond, au fond.